Depuis le début, la vie n'a fait que me mentir. Et c'est à chaque fois mes proches qui me l'ont fait sentir. J'ai tout donné sans compter, même quand ma fierté s'étue. Et sais-tu qu'à force de croire, mon esprit sature. J'arrive pas à comprendre ce fossé qui nous sépare tous. Et c'est dans le chemin du vice qu'on s'égare tous. Je me demande pourquoi partout, y'a que nos malheurs qu'on se partage. Moi je me console en l'atténuant chaque jour, page par page. Jamais su pourquoi on prétexte la religion pour s'entretuer. Synonyme de paix, mais on ne sait plus comment la situer. C'est qu'une discrimination qui dissémine nos nations. Jusque ça doit aller, ça doit pour aller. Qu'on assimile la leçon. J'ai jamais compris pourquoi on est fier de prôner la haine et de faire le pire. C'est toujours plus facile de détruire que de construire. De subir que de se battre parce que c'est le diable qu'on idolâtre. Toujours ce même poids qui m'accable, toujours les mêmes proies à battre. Je comprends pas, c'est mon dessous si je m'exprime mal. J'ai beau crier mais on m'entend pas. T'attends pas à ce que quelqu'un réponde, c'est vital. On pourrait parler mais on s'entend pas. Je comprends pas, c'est mon dessous si je m'exprime mal. J'ai beau crier mais on m'entend pas. T'attends pas à ce que quelqu'un réponde, c'est vital. Je comprends pas qu'on puisse être fier de quelque chose qu'on n'a pas choisi. Une religion, une race, un drapeau ou bien même un pays. Je comprends pas leurs mensonges quand on nous parle de l'histoire. Ni pourquoi on descend ceux qui montent vers la gloire. Je comprends pas ceux qui jugent sans connaître. Et même dans le sens honnête, y'a pas de loi et on peut aimer même sans se connaître. Je comprends pas des fois ma propre violence et mon indifférence impropre à ces relations d'interférence. J'ai plus de respect pour mon chien que pour un électeur du Front National. Car chaque nation a son mal. Je comprends plus les mots mais plus les normes. Ni les mots qu'ils nomment, ni les rôles qu'ils miment. Bédo et Rome chantant leur hymne. Je comprends pas qu'ils parlent pas plus qu'il y a un malaise. Je comprends pas car les vertus sont devenues mauvaises. Je comprends pas, le bien et le mal sont en duel. On s'y attarde et celui qui a souffert devient cruel. Je comprends pas, c'est mon dessous si je m'exprime mal. J'ai beau crier mais on m'entend pas. T'attends pas à ce que quelqu'un réponde, c'est vital. On pourrait parler mais on s'entend pas. Je comprends pas, c'est mon dessous si je m'exprime mal. J'ai beau crier mais on m'entend pas. T'attends pas à ce que quelqu'un réponde, c'est vital. On pourrait parler mais on s'entend pas. Je comprends pas pourquoi ma génération est toujours menacée. Et au fond, c'est les mêmes questions qu'on se pose aux Français. De savoir si on se laisse vivre ou si les paroles des politiques nous rendent tous ivres. J'arrive plus à suivre, mais y'a toujours une cause à effet. Tellement de choses m'effraient. Quand je maîtrise plus des proses, je crains. Chaque fois, je viens crier même si le monde reste sourd. Le combat que je mène ici ne peut pas s'atténuer mes blessures. Je comprends pas nos dirigeants qui sont avides de promesses. Dans la masse, trop qu'on rien et puis d'autres qu'on trop naissent. C'est donc ça. Regarde nos vies empreintes d'illiquité, militant pour des causes, la bêtise. D'être illimité, je comprends pas que tu souris. Alors que j'ai mal, je souffle, la haine se nourrit et devient banale, j'étouffe. J'ai le meilleur d'entre nous, y'a toujours une zone dont je cherche pas à comprendre. Juste à part que le monde sombre. Je comprends pas, si le monde est sourd, si je m'exprime mal. J'ai beau crier mais on m'entend pas. T'attends pas à ce que quelqu'un réponde, c'est vital. On pourrait parler mais on s'entend pas. Je comprends pas, si le monde est sourd, si je m'exprime mal. J'ai beau crier mais on m'entend pas. T'attends pas à ce que quelqu'un réponde, c'est vital. On pourrait parler mais on s'entend pas. Je comprends pas, si le monde est sourd, si je m'exprime mal. J'ai beau crier mais on m'entend pas. T'attends pas à ce que quelqu'un réponde, c'est vital. On pourrait parler mais on s'entend pas. Je comprends pas, si le monde est sourd, si je m'exprime mal. J'ai beau crier mais on m'entend pas. T'attends pas à ce que quelqu'un réponde, c'est vital. On pourrait parler mais on s'entend pas. About your kiss.